Chapitre 13. Anna passa Great House les deux dernières journées de son séjour à Uppercross. Sa société et ses conseils furent d'un grand secours à Musgrove, dans la situation d'esprit où il se trouvait. Ils eurent des nouvelles de Lyme le lendemain, et Charles arriva quelques heures après pour donner plus de détails. Louisa n'était pas plus mal. On ne pouvait pas espérer une guérison rapide, mais l'accident n'aurait pas de suite fâcheuse. Il ne pouvait tarir sur les louanges de Harville et de sa femme. Celle-ci avait décidé Charles et Marie à aller coucher à l'hôtel. Marie avait eu une crise nerveuse le matin, puis elle avait été se promener avec Benwick. Son mari espérait que cela lui ferait du bien. Charles revint encore le lendemain donner de meilleures nouvelles. La malade avait de plus longs intervalles de lucidité. Le capitaine Wentworth paraissait installé à Lyme. Le jour suivant, quand Anna se prépara à partir, ce fut un chagrin général. Il semblait qu'on ne peut rien faire sans elle. Alors elle leur suggéra l'idée d'aller tous s'installer à Lyme jusqu'à ce que Louisa pût être transportée. On viendrait ainsi en aide à Madame Harville en prenant ses enfants. Ce projet fut accepté avec empressement. Anna les aida à faire leurs préparatifs, et les ayant vus partir, elle resta seule pour mettre tout en ordre. Quel contraste dans ces deux maisons si animées quelques jours auparavant. Excepté les enfants de sa sœur, elle était seule à Uppercross. Mais si Louisa guérissait, le bonheur apparaîtrait ici plus grand qu'avant. Quelques mois encore, et ses chambres, maintenant si désertes, seraient remplies de la joie et de la gaieté de l'amour heureux, si inconnu à Anna Elliot. Une heure entière de réflexion semblable par un sombre jour de novembre, avec une petite pluie serrée qui empêchait de rien distinguer au dehors. C'en était assez pour que la voiture de Lady Russell fût accueillie avec joie. Et cependant, en quittant Mansion House, en jetant un regard d'adieu au cottage, avec sa triste véranda ruisselant de pluie, en regardant à travers les vitres les plus humbles maisons du village, Anna ne put se défendre d'un sentiment de tristesse. Uppercross lui était cher. Il lui rappelait bien des peines, maintenant adoucies. Quelques essais d'amitié et de réconciliation auquel elle ne devait plus songer. De tout cela, il ne lui restait rien que le souvenir. Elle n'était pas rentrée à Kellynch depuis le mois de septembre. Ce fut cette fois dans l'élégante et moderne habitation de son amie qu'elle descendit, y apportant une joie mêlée d'inquiétude, car Lady Russell connaissait les visites de Wentworth à Uppercross. Elle trouva Anna rajeunie et lui fit compliment de sa bonne mine. Anna se réjouit de ses louanges car, en les ajoutant à la silencieuse admiration d'Eliot, elle put espérer qu'un second printemps de jeunesse et de beauté lui était donné. Elle s'aperçut d'un changement dans son propre esprit en causant avec Lady Russell. Quand elle était arrivée à Kellynch, elle n'avait pas trouvé d'abord la sympathie qu'elle espérait. Mais peu à peu, ses préoccupations changèrent d'objet. Elle oublia son père, sa sœur et Bath, et quand, revenue à Kellynch, Lady Russell lui en parla, exprimant sa satisfaction de les avoir bien installés à Camden Place, elle eût été confuse qu'on sût qu'elle ne pensait qu'à Lyme et à Louisa, et à toutes ses connaissances là-bas. L'amitié des Harville et du capitaine Benwick la touchait bien plus que la maison de son père, ou l'intimité de sa sœur avec Madame Clay. Mais elle était forcée de paraître s'intéresser autant que Lady Russell à ce qui la touchait pourtant de plus près que tout autre. Il y eut d'abord un peu de gêne dans leur conversation. Wentworth ne pouvait manquer d'être nommé en parlant de l'accident arrivé à Lyme. Anna n'osait regarder Lady Russell en prononçant le nom de Wentworth. Elle s'avisa d'un expédient. Elle raconta brièvement l'attachement de Wentworth et de Louisa l'un pour l'autre. Une fois cela fait, elle n'éprouva plus d'embarras. Lady Russell se contenta d'écouter tranquillement et de leur souhaiter tout le bonheur possible, mais elle éprouva un plaisir amer en voyant l'homme qui, 8 ans auparavant, avait paru apprécier Anna Elliot, se contenter de Louisa Musgrove. Les premiers jours n'eurent d'autre diversion que quelques bonnes nouvelles de Lyme sur la santé de Louisa. Anna ne sut jamais comment elles lui parvinrent. Lady Russell ne voulut pas remettre davantage ses visites de politesse. Elle dit à Anna d'un ton décidé « Je dois aller voir Monsieur et Madame Croft. Aurez-vous le courage de m'accompagner dans cette maison? C'est une épreuve pour nous deux. » « C'est vous qui en souffrirez le plus probablement. Vous n'avez pas encore pris votre parti de ce changement. En restant dans le voisinage, je m'y suis accoutumé. » Elle aurait pu ajouter qu'elle avait une haute opinion des Croft et trouvait son père heureux d'avoir de tels locataires. Elle sentait que la paroisse avait un bon exemple et les pauvres aident et secours. Elle ne pouvait s'empêcher de reconnaître que Kellynch était en de meilleures mains qu'auparavant. Cette conviction était certainement pénible et mortifiante, mais elle lui épargnait la souffrance que devait éprouver Lady Russell en retournant dans cette maison. Elle ne songeait point à se dire « Ces chambres devraient être habitées par nous. Oh, combien elles sont déchues de leur destination. Une ancienne famille obligée de céder la place à des étrangers. » Non, excepté en pensant à sa mère, qui avait demeuré là, elle n'avait aucun soupir de regret. Madame Croft semblait l'avoir prise en grande amitié, et dans cette visite, elle eut des attentions particulières. On causa surtout du triste accident arrivé à Lyme. Wentworth avait apporté des nouvelles. Il s'était particulièrement informé de Miss Elliot et exprimait l'espoir que tout ce qu'elle avait fait ne l'avait pas trop fatiguée. Cela fit un vif plaisir à Anna. Quant au triste accident, deux dames si sensées ne pouvaient avoir qu'une même opinion. C'était pour elle la conséquence de beaucoup d'étourderies et d'imprudence. Les suites en seraient très graves et il était terrible de penser à la longue convalescence encore douteuse de Miss Musgrove, exposée à se ressentir longtemps de cet ébranlement. L'amiral résuma tout en disant « Voilà une triste affaire. C'est là, pour un jeune homme, une nouvelle manière de faire sa cour. Briser la tête de sa fiancée, puis mettre un emplâtre dessus. N'est-ce pas, Miss Elliot ?» Les manières de l'amiral n'étaient pas complètement du goût de Lady Russell, mais elles ravissaient Anna. Cette bonté de cœur et cette simplicité de caractère étaient pour elle irrésistibles. « C'est vraiment très ennuyeux pour vous de nous voir ici, » dit-il tout à coup, sortant d'une rêverie. « Je n'y avais pas encore pensé. Ne faites pas de cérémonie, montez et visitez toute la maison, si bon vous semble. » « Une autre fois, monsieur, je vous remercie, pas à présent. »« Eh bien, quand vous voudrez. » »« Vous verrez vos ombrelles accrochées à cette porte. N'est-ce pas un bon endroit ?»« Non, sans doute, car vous mettiez les vôtres dans la chambre du sommelier. Chacun a ses habitudes et ses idées. » »« Nous avons fait très peu de changements, » continua-t-il après une pause. « Celui de la porte de la buanderie a été une grande amélioration. » On se demande comment vous avez pu supporter si longtemps la façon dont elle s'ouvrait. Vous direz à Sir Walter ce que nous avons fait. Monsieur Shepherd pense que la maison n'a jamais eu de meilleurs changements. Nous pouvons nous rendre cette justice. Tout ce que nous avons fait a été pour le mieux. C'est ma femme qui en a le mérite. J'ai fait moi-même peu de choses, si ce n'est d'enlever les grandes glaces de mon cabinet de toilette, qui était celui de votre père. Un homme excellent, et un véritable gentleman. Mais il me semble, Miss Elliot, qu'il vient tirer à quatre épingles pour son âge. Que de glace, mon Dieu! Il n'y a pas moyen de s'échapper à soi-même. Je suis très commodément maintenant avec mon petit miroir dans un coin et une autre grande chose dont je n'approche jamais. » Anna, amusée en dépit d'elle-même, ne savait que répondre, et l'amiral, craignant d'avoir été impoli, ajouta « La première fois que vous écrirez à votre bon père, Miss Elliot, faites-lui mes compliments. Dites-lui que tout ici est à notre goût, et que nous n'y trouvons aucun défaut. Il faut avouer que la cheminée de la salle à manger fume un peu, mais seulement quand le vent est grand et vient du nord, ce qui n'arrive pas trois fois par hiver. Et sachez bien que nous n'avons pas encore trouvé de maison aussi agréable que celle-ci. Dites-le lui, il sera content. » Les Croft, en rendant à Lady Russell sa visite, annoncèrent qu'ils allaient voir des parents dans le nord. Ainsi disparut tout entier de rencontrer le capitaine Wentworth à Kellynch. Anna sourit en pensant combien elle s'était tourmentée à ce sujet.